Oui Patrick, je vous entends. Oui, je suis actuellement en bas de la tour Montparnasse où le PDG d'une grande major dont on ne citera pas le nom est suspendu dans le vide alors que les secours vont bientôt arriver. Mais que vois-je ? Ah c'est lui ! Fuyez ! Fuyez tous ! Fuyez, c'est bon, on n'est pas fini en charpie ! Il percute souvent des oiseaux, des avions. Bien que ce soit un vrai blaireau, son symbole c'est le faucon. Il entend super bien, alors ben il parle tout doucement. On comprend jamais rien à ce qu'il dit, c'est exaspérant. Comme tout super-héros, il a vu mourir ses parents. Et il se sent coupable, enfin lui il l'est vraiment. Quand sa mère lui donna le sein, il lui aspira le cœur. Son père mourut d'une crise cardiaque devant cette vision d'horreur. Et quelle idée d'avoir donné des pouvoirs surhumains à Pierre-André Blanchard quand on connaît ce pauvre crétin. Pas si c'est Dieu qui choisit les super-héros. Si celle qu'à ce jour-là, il devait avoir bu un peu trop. Un jour qu'une petite fille jouait sur les rails d'une voie ferrée, il arriva de suite, mais ne pensa pas à l'écarter. Il préféra stopper le train et le fit dérailler. Résultat 23 morts. Mais bon, la petite est sauvée. Il peut se rendre invisible, mais après il n'y pense plus. Du coup c'est un vrai carnage quand il traverse la rue. Il voudrait sauver la planète, mais il fait chier son monde. Quand son signe illumine le ciel, on prévoit l'hécatombe. Mais quelle idée d'avoir donné surhumain à Pierre-André Blanchard quand on connaît ce pauvre crétin. Je ne sais pas si c'est Dieu qui choisit les super-héros. Si celle qu'à ce jour-là il devait avoir bu un peu trop. La tour Eiffel s'illuminait. Convaincu qu'elle brûlait, il se mit de suite à souffler. Tous les touristes présents se mirent donc à s'envoler. Et sur le Trocadéro, ils vinrent tous s'écrabouiller. Malheureusement, les méchants n'arrivent pas à le tuer. Ils ont des mascottes nazes et donc des pouvoirs limités. Super cochon fait peur aux gens en faisant boum. Super poussin imite des flingues avec ses doigts et fait piou piou piou. Et quelle idée d'avoir donné des pouvoirs si pourris aux méchants de l'histoire qu'aurait pu buter cet abruti. C'est pas si Dieu veut limiter la population. C'est la seule réponse que je trouve pour justifier ce grand combat que nous menons tous contre Pierre-André Blanchard. Mathieu, je peux te faire un tour de magie ? Si tu veux. Je le fais aussi pour les gens qui écoutent le CD. Vas-y. Comme ça tu mettras en bonus. Choisissez un nombre entre 10 et 20. C'est bon ? Mathieu ? Oui, c'est bon. Additionnez les deux chiffres qui composent ce nombre. C'est fait ? Mathieu. C'est fait. Soustrayez le résultat au nombre initial, celui que vous aviez choisi au début. C'est fait ? Oui. Bah non, mais te moque pas de moi. Non, mais vas-y, continue. Voilà. Soustrayez 5 et le chiffre que vous obtenez correspond à une lettre de l'alphabet. 1 égale A, 2 égale B, 3 égale C, etc. C'est bon pour la lettre, Mathieu ? Oui, c'est bon pour la lettre, bien sûr. Choisissez un pays d'Europe qui commence par cette lettre. C'est bon, Mathieu ? Oui, comme toujours. Choisissez maintenant un fruit qui commence par la dernière lettre de ce pays. Je me concentre. Il n'y a pas de kiwi au Danemark. Ah bien, super bluffant. Tu veux que je fasse un tour de magie moi aussi ? Ouais, vas-y. Ah, j'ai calé un effet. Attention, guitare pourrie, avec mon effet, il va devenir mortel. Écoute.